Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être belle.